Chapitre 19e, un témoin décoratif. Vous êtes prêts, messieurs ? Demanda le directeur du combat en tenant les épées des adversaires tout près de la pointe. Oui, monsieur, répondirent les combattants. Bien, allez, messieurs. Il fit un pas en arrière, dégagea la piste soigneusement raclée par un jardinier consciencieux, et une canne à la main, s'apprêta à suivre les péripéties du combat. Ce directeur du combat, premier témoin du camp de la Guérinière, était un homme de 55 ans environ, très soigné, la barbe blanche calamistrée, soyeuse, les cheveux bien partagés sur le crâne, vêtu d'une redingote admirablement coupée, d'un pantalon tombant sur des guêtres claires. Il portait une rosette à la boutonnière. C'était un témoin très décoratif. On le nommait le baron Dupont et il était très connu dans les milieux mondains et sportifs. Le duel avait lieu dans une propriété particulière aux environs de Ville d'Avray. Bien que la rencontre fût, selon les conventions, absolument privée, et qu'il ne fût permis à personne, en dehors des témoins, des médecins, d'y assister, une centaine d'escrimeurs se trouvaient plus ou moins dissimulés dans la villa, derrière les rideaux des fenêtres et même dans les lucarnes des combles. Le duel, en effet, promettait d'être sensationnel. Il mettait en présence deux fines lames connues et justement réputées, le journaliste Marc Collas et le comte Faustin de la Guérinière. En parlant de l'assassinat du banquier Montreuil, Marc Collas avait fait passer dans son journal une note que le comte de la Guérinière trouva offensante. Le journaliste avait dit que le comte, s'étant trouvé chez M. de Montreuil au moment de l'assassinat, avait été appelé au parquet. Il ajoutait insidieusement que le bruit courait avec persistance, qu'il pouvait bien y rester fort longtemps, qu'on ne devait pas s'étonner si le juge le retenait fort tard. C'était en quelque sorte dire carrément, même pour ceux qui ne savaient pas lire entre les lignes, qu'on croyait à l'arrestation du comte de la Guérinière. Le filet fit grand bruit au moment de son apparition. Le comte dépêcha aussitôt à son auteur deux de ses amis, comme nous l'avons vu, le matin où, précisément, Paulin Broquet se trouvait chez lui et l'attendait au retour de sa promenade au bois. Marc Collas, dont la bravoure ne pouvait être mise en doute, constitua des témoins qui déclarèrent que leur client n'avait pas outrepassé ses droits de reporter, et ils refusèrent toute réparation et toute rectification au comte, jusqu'à ce qu'une déclaration formelle de mise hors de cause du comte ait prouvé que Marc Collas se trouvait dans son tort en ayant fait cette allégation. Aussi, dès que le revirement soudain et déconcertant de M. Montreuil eut fait proclamer l'innocence du comte de la Guérinière, celui-ci, désireux, on le pense, de donner à ce fait toute la publicité possible, par tous les moyens, dépêcha une seconde fois deux de ses amis aux journalistes. La rencontre fut décidée, elle avait lieu ce matin. Marc Collas et le comte de la Guérinière, maintenant, après le solennel « Allez, messieurs », avaient engagé courageusement le combat. Les deux adversaires, sans avoir jamais tiré ensemble, connaissaient leurs forces réciproques et savaient qu'ils devaient faire appel non seulement à tout leur courage, mais à toute leur science, à toute leur agilité. Ils se valaient. C'étaient deux admirables épéistes. Tout d'abord, ils se tâtèrent, s'étudièrent et escarmouchèrent, si l'on peut dire ainsi en termes de salle d'armes. La première reprise se passa ainsi tout en étude, sans que d'aucun côté une attaque à fond eût seulement pu être esquissée. L'un et l'autre paraient, comme en se jouant, tout coup porté et arrêtaient toute feinte qui eût pu avoir comme suite un bon coup. À la deuxième reprise, il en fut de même, bien que le comte parût attaquer plus souvent. Mais le résultat fut le même, ainsi pendant trois ou quatre reprises. Le journaliste maintenant mettait plus de vigueur, plus de nerfs dans ses attaques. Il gagnait du terrain. Le comte parait, rompait de très peu, et avec une légèreté, une souplesse remarquable, se maintenait sur la défensive. Vraiment, le combat était passionnant et provoquait l'admiration des amateurs. Après chaque reprise, on eut chaleureusement applaudi. Marc Collas bientôt attaqua vivement, et voyant qu'il gagnait du terrain, s'échauffa. Il commit la faute de vouloir acculer son adversaire à sa limite, et il se dépensait en efforts de plus en plus violents. Le comte répondait avec la même vigueur et avec le même calme qu'au début. On rendit le terrain perdu au comte selon les conventions. Marc Collas attaqua avec plus de fougue. On sentait que cette adroite défense le contrariait, qu'il s'énervait et qu'il voulait un résultat. Le comte, toujours calme, souriant, parait avec la plus grande aisance les coups furieux que lui portait son adversaire. Il perdait encore du terrain. À chaque reprise, il se trouvait plus près de la limite. Or, maintenant, on ne rendait plus le terrain. Marcolas renoubla sa première faute de vouloir pousser le comte au bout de la piste, et s'il ne parvenait à le toucher, d'arriver à le faire disqualifier. Le combat durait déjà depuis près d'une heure, sans autre résultat que quelques coups qu'il n'avait pas portés. Le comte n'avait enfin plus derrière lui que 2 mètres de terrain. Le baron Dupont l'en avertit. Mais si Marcolas s'énervait et frappait avec violence l'épée adverse qui ne s'écartait pas de la ligne, il montrait quelques indices de fatigue physique. Le comte, lui, aussi frais qu'au début, esquivait, parait, gardait sous sa fine moustache un sourire froid, énigmatique, cruel. Marcolas chargea. Il voulait à toute force en finir. Il chercha à battre l'épée et à porter un coup. Le comte n'évita pas le battement, son épée s'abaissa sous le coup de celle de son adversaire. Mais il suivit cette épée, remonta aussi vite qu'elle, et une fois horizontale, alors seulement se dégagea, se déroba, glissa. Le comte n'eut qu'à tendre le bras et Marcolas, découvert par le battement furieux qu'il venait de faire, partit en même temps que son battement, ne put s'arrêter, parer, se remettre en garde. Il alla de lui-même, fatalement, s'enferrer. L'épée du comte, qui devait lui percer la poitrine, par bonheur fut, grâce à un mouvement instinctif que fit Marcolas, arrêtée par le bras. Elle entra dans le biceps et sortit de l'autre côté. Marcolas lâcha son épée et fut emporté par ses témoins. Quant au comte, il avait retiré son épée du bras du blessé, et calme, toujours souriant, il l'attendit toute couverte de sang à son valet de chambre, qui lui jetait sur les épaules un manteau. Puis, saluant ses témoins, les curieux qui peu à peu avaient envahi les allées voisines, il alla s'habiller, répondant discrètement aux félicitations. Le jardinier, qui avait préparé l'allée et avait assisté à tout le combat, se remit très philosophiquement à replacer avec son râteau le gravier enlevé pour former la piste. Puis, quand tout le monde, blessé, vainqueur, témoin, curieux, fut parti, le jardinier, à son tour, d'un pas lourd, quitta le jardin, sortit par une petite porte percée dans le mur et donnant sur la rue tout à l'heure encombrée de voitures, d'autos, de curieux, et déserte maintenant. À peu près déserte seulement, car tout près de cette petite porte stationnait encore une auto. Le jardinier regarda à droite, à gauche, et n'ayant aperçu personne, d'un bond sauta dans l'auto qui se mit en marche. Dans l'auto se trouvait un homme qui vivement demanda au jardinier « Eh bien, chef, combat magnifique. Qui a touché ? Le comte de la Guérinière. » Et Paulin Broquet, tout en enlevant sa défroque de jardinier, s'écria « Il a toutes les veines. » « Pour le moment, chef, dit Gabriel, mais vous aurez votre revanche. Espérons-le. » Paulin Broquet alluma une cigarette. « Ce qui m'étonne le plus dans cette affaire, dit-il au bout d'un moment, c'est non pas la victoire du comte de la Guérinière, qui est vraiment un duelliste merveilleux, mais le duel même du comte de la Guérinière. Comment cela, chef ? Je suis étonné non pas qu'il ait pu toucher Marcolas, cela je le regrette sincèrement, car Marcolas est un bon épéiste aussi, et de plus un homme des plus sympathiques. C'est moins le coup d'épée que le comte a donné que la présence même du comte pour donner ce coup d'épée. En ce sens que cette nuit le comte de la Guérinière et ses hommes se trouvaient à Itonville, rendant une visite discrète au maire, M. Billemant. C'est exact. En ce sens encore que ce matin vers 2 ou 3 heures, j'ai moi-même appliqué au comte de la Guérinière quelques coups de poing sur la figure. Coup, je vous l'affirme, fameusement porté. Je l'ai mis knock-out et lui arrangé un œil au beurre noir, accommodé le nez à la sauce piquante. Nous nous en doutons. Ces coups ont dû marquer. Assurément, chef. Ils ont dû fortement s'imprimer. Ce matin donc, quelques heures après notre bataille, le comte de la Guérinière devait avoir des cocards bien apparents sur la figure. C'est probable. Eh bien voilà l'étonnant, voilà le surprenant, voilà ce que je ne comprends pas encore. Le comte de la Guérinière qui s'est battu là tout à l'heure avait la figure calme, bien fraîche, toute reposée, et pas la moindre trace de notre combat. Pas possible. Il était un peu pâle, comme il arrive toujours quand on va sur le terrain. Par conséquent, les nions auraient dû apparaître admirablement dessinés, mieux qu'en n'importe quelle autre occasion, très juste. Mais bien que j'ai regardé attentivement là où je savais avoir touché, je n'ai rien vu. Rien. Comme si jamais la figure du comte de la Guérinière n'avait été caressée autrement qu'avec du cold cream. La figure du comte de la Guérinière ne porte pas trace de mes coups. Et comme je suis sûr de mes coups, et certain qu'ils devaient laisser des marques pendant plusieurs jours, il faut admettre, puisqu'on ne les voyait pas, que le comte a dû prendre une autre figure, qu'il a une tête de rechange. » Paulin Broquet conclut. « Et c'est précisément ce qui m'étonne. » Puis il garda le silence pendant le reste du trajet.